Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, l'association Mémorial en péril en Russie. Le 15 mars dernier, trois ONG ont porté plainte contre les membres de la société de sécurité privée Wagner pour l'assassinat d'un détenu syrien en 2017. Notre attention s'est portée sur l'horreur du crime davantage que sur les plaignants, parmi lesquels l'association Mémorial qui portait cette dénonciation devant la justice. Mémorial est pourtant l'un des acteurs de la société civile qui contrarie avec insistance l'histoire officielle russe sur des dossiers qui fâchent, comme les exécutions sommaires pendant les guerres en Tchétchénie ou le système concentrationnaire du Goulag. Mémorial est fondé en 1989 par un jeune physicien, Alexandre Tcherkassov, qui manifeste avec d'autres militants dans les derniers mois de l'Union soviétique pour demander la vérité sur les crimes de masse du régime en déroute et plus particulièrement ceux du KGB. Benoît Vidkin raconte dans les pages du Monde une chaîne humaine autour de l'immeuble du KGB sur la place Loubianka. Le rassemblement est réprimé, 130 personnes sont arrêtées. Pourtant, il serait impensable d'imaginer une telle initiative aujourd'hui en Russie, où l'on proposait récemment aux habitants de Moscou le retour en grâce de la statue de Félix Dzerzhinsky, créateur de la Tchéka, la première police politique soviétique. 30 ans plus tard, Alexandre Tcherkassov dirige la section droits de l'homme de Mémorial, qui a mené bien d'autres campagnes depuis l'effondrement de l'Union soviétique, malgré les obstacles savamment érigés sur son parcours. Le président de Mémorial, l'historien du goulag Youri Dmitriev en particulier, fait l'objet de poursuites depuis 4 ans, officiellement pour pédopornographie, une affaire montée de toutes pièces d'après ses soutiens, qui dénonce une mesure de rétorsion politique pour avoir révélé l'existence du charnier de Sandormok en Carélie, où avait été ensevelie une partie des 800 000 personnes abattues à l'abri des regards au cours de la Grande Terreur des années 30. L'historien Nicolas Vert, président de l'association Mémorial en France, évoquait ces massacres de masse en 2013 pour Mediapart. On est en 37-38 et Staline a très bien compris qu'une guerre va approcher et une guerre, il a assimilé la grande leçon de Lénine, c'est un élément extrêmement déstabilisateur pour tout système. Surtout que ce système, il sait que c'est un système qui est largement impopulaire. À côté du harcèlement administratif et judiciaire appliqué à la vie de l'association Mémorial, les interprétations du ministère de la Culture russe tentent de concurrencer le travail pourtant extrêmement précis d'identification des disparus en propageant l'idée que les corps de Sandormok seraient en fait, au moins en partie, ceux de soldats soviétiques tombés sous les balles finlandaises lors de la Deuxième Guerre mondiale. Des morts patriotiques censées effacer les preuves de la répression politique massive du stalinisme. Condamné à une peine de 13 ans de prison, Youri Dmitriev attend de voir examiner son dossier par la Cour de cassation. Mémorial a notamment largement contribué à la grande série documentaire de Patrick Rothman sur le Goulag, toujours disponible sur Arte TV, en partageant les témoignages écrits et filmés qu'elle a recueillis depuis les années 90.